La sagesse du cacique par Georges Brousseau. Par un petit sentier qui serpente dans la forêt vierge, non loin du confluent de l'Oyapock et du Couripi, on arrive au grand village où réside le vieux cacique des Indiens Oyampi. Le vénéré Mungo Humac a convié les chefs de sa nation dans une grande assemblée, et ils arrivent tous les uns après les autres, obéissants et fidèles à son appel. Voici la clairière et dans la clairière le village. Deux rangs de cases à toits originaux, quelques-unes avec un étage, entourent une grande place ombragée de quelques arbres fruitiers, manguiers, orangers, citronniers, etc., etc. Puis, une longue avenue à droite et à gauche longe une chaîne de collines où d'autres cases s'étagent sans ordre. Deux ruisseaux aux limpides descendent en cascatelle de ces collines et traversent le grand village. Des jeunes filles, vêtues simplement d'un petit tablier de perles tissées, ils vont puiser l'eau dans des calebasses et des poteries. Partout règne la plus grande animation. Sous le vent des cases ou en plein air, les femmes s'empressent autour des foyers, auprès desquels rôtissent les quartiers de venaison et bouillent les marmites de grès ou de fonte contenant le riz et le poisson frais et ces friandes galettes de maïs pilé et de miel. Sur la place et dans l'avenue, les hommes, par groupes, causent doucement, posément, sans geste. Vers le haut de la place, du côté de la montagne, on remarque surtout une case plus élevée, à laquelle on accède par plusieurs marches faites de troncs d'arbres. Les poteaux de cette case sont en bois sculpté, teintés de roncou et d'indigo. Dans l'intérieur, sur des peaux de jaguar, est posée une sorte de trône rond en or massif, avec un dossier formé d'une feuille de lotus. Au centre de la feuille de lotus est un cercle qui figure le soleil. Les bras de ce trône sont fermés par deux serpents dont la gueule ardente et les yeux de diamant ont l'air de vomir des flammes. Sur le pourtour plein, légèrement évasé vers le haut et vers le bas, sont des inscriptions péruviennes qui attestent l'origine et l'ancienneté du siège sacré. Le mobilier se complète, autour du trône, par une douzaine de petits sièges ronds ou carrés en bois sculpté, ornés de clous en cuivre à tête ronde et polie. C'est en ce lieu que doit siéger le grand conseil présidé par Mungo Humac devant la grande assemblée des chefs après les épreuves qui doivent commencer le jour même. Tout le monde est prêt. Les guerriers encerclent devant la salle du trône, les femmes plus en arrière, les enfants juchés sur les arbres. Les musiciens, tambours et tambourins, flûtes et cornes, chalumeaux et calebasses pleines de semences dures, ont commencé leur cadence composée de notes tantôt sourde, tantôt aiguë, lente et monotone comme une plainte, pleurant sur ceux qui ne sont plus, tantôt vives et vibrantes, célébrant les exploits des guerriers présents. Le vieux cacique, revêtu de ses insignes, une peau de loutre autour des reins, ses longs cheveux noirs retombant sur ses vieilles épaules ridées, le front ceint d'un cercle d'or surmonté d'une plume d'aigle, est assis sur son tribunal, les jambes croisées. Une moitié de médaille pend à son cou. Ses yeux noirs et vifs, fixés sur l'assemblée, y reconnaissent successivement ceux qu'il n'a pas vus depuis longtemps. Soudain, la musique se tait. Un grand silence plane sur la foule. Mungo Humac se lève, il parle. « Je vous dis, je suis vieux. Ma tête tremble. Ma main ne sait plus tenir un arc et une flèche. Ma vue s'affaiblit. Je ne sais plus voir danser nos jeunes femmes le soir au clair de la lune, et mes oreilles sont fermées aux doux chants que composent nos jeunes hommes. L'heure est venue pour moi de partir vers la terre où habitent mes ancêtres. Le grand esprit m'est apparu derrière un nuage, il m'a dit « Assemble tes enfants les plus chers, et parmi eux, choisis le plus noble et le plus brave pour te succéder. Les chefs des 100 villages sont ici réunis, que parmi eux, ceux qui se croient dignes du commandement suprême s'approchent. Les plus anciens parleront les premiers. » J'ai dit. Mungo Humac se rassied sur son trône d'or sculpté. Akotoptpeu, le plus âgé des chefs présents, se lève et s'avance, s'appuyant sur son grand arc de bois violet. Je veux dire, le fils du soleil me connaît depuis longtemps. Mon père et mon grand-père sont venus avec les siens des rives du grand lac sacré et ont commandé ces guerriers, comme j'ai commandé sur le Marouini les hommes de ma tribu pour en chasser les Roukouyennes. Mon corps porte 10 cicatrices de blessures de guerre. J'ai dit. Sur un signe du cacique, Akatotpeu vient s'asseoir à côté de lui sous la case du grand conseil. Amanokap, le sorcier, vient ensuite. Son corps est peint de diverses couleurs et les ornements de plumes, de perles et de métal qui ornent sa poitrine, ses bras et ses jambes accompagnent chacun de ses mouvements d'un petit bruit sec et métallique. Tout le monde est attentif. Amanokap, ôtant de sa ceinture une flûte de roseau, en tire des sons aigus d'abord, puis de plus en plus doux qui expirent en trémolo. Tout à coup, les rangs des spectateurs s'ouvrent en désordre sur la droite pour livrer passage un trigonocéphale qui rampe vers le musicien et s'enroule à ses pieds, le cou tendu. La tête en fer de lance du reptile se dresse et se balance mollement à droite et à gauche, s'élevant au-dessus du sol. Le cercle de la foule s'écarte frémissant. Les guerriers seuls que la crainte n'a jamais éprouvés, le mépris sur les dents, les regards attentifs, attendent la suite de l'épreuve. Ils savent qu'Amanokap a le pouvoir d'ordonner aux serpents d'aller à plusieurs journées de marche dans la forêt, attendre un ennemi sur un sentier pour le frapper de mort. Qu'adviendra-t-il? Cependant, Amanokap a repassé sa flûte à sa ceinture. Il parle au Grage doucement et lui tend la main. Le serpent s'enroule autour de son cou et de son corps, et la langue bifide du reptile vient se poser sur les lèvres du sorcier. Puis le serpent se déroule lentement et tombe à terre, flasque et mou comme une ceinture chatoyante qu'on jetterait. Le sorcier le soulève et le laisse retomber, lui fait prendre des poses, l'enroule, la tête dominant les cercles concentriques. Un jeune homme s'approche, tenant un chien en laisse. Soudain, comme un ressort qui se détend, le serpent s'élance et le chien se roule en proie à l'agonie, la langue pendante, les yeux hors de l'orbite. Un cri d'horreur s'élève de la foule. Ce trigonocéphale vient de frapper le jeune homme qui tombe sur un genou, souriant, étend sa jambe gauche, paralysée, de coule un mince filet de sang. Amanokap saisit aussitôt le reptile, qui, redevenu docile, s'enroule autour de son corps. Trop tard, hélas, le venin fait son œuvre de mort, la jambe du blessé enfle, l'écume vient à ses lèvres qui sourit toujours. Se laissant aller sur le sol, appuyé sur un de ses coudes, le jeune Indien se prépare à mourir comme savent mourir les vrais guerriers de la forêt qui méprisent la mort et ses souffrances. Sans écouter les cris de malédiction et de colère, avec calme, Amanokap prend sa corne à médicaments, s'approche du moribond, applique son remède sur ses blessures, lui en fait de nouvelles qu'il traite de la même façon avec des dents de serpent desséchées, puis, prenant le jeune homme par la main, il lui ordonne de se lever, ce qu'il fait au milieu d'un murmure de satisfaction et d'étonnement de ceux qui, tout à l'heure, voulaient lui faire un mauvais parti. Amanokap montre le jeune homme et dit ce simple mot « Voilà ». Sur un signe du grand cacique, il va s'asseoir à ses côtés dans la case du conseil. Après chaque épreuve, des jeunes filles parées de leurs plus beaux colliers, le corps tatoué en bleu et en rouge vif, leurs longs cheveux noirs ornés des fleurs de moréron, apportent aux guerriers des coupes de grès de leur fabrication, pleines de kashiri, que chacun doit vider d'un seul coup. Les épreuves durèrent ainsi 2 jours. 32 candidats vinrent montrer leur force, leur adresse ou leur science. Un piaï, un sorcier, apportait un poison nouveau, dont quelques gouttes dans une eau pure qu'elle ne ternissait même pas, endormait pour toujours et sans laisser de traces ceux qui souffraient de la vie. Un autre prit un cariocou, un chevreuil, à la course dans la forêt. Un autre, plongeant au-dessus de la cataracte, armé d'un fer de flèche, se laissa entraîner par les eaux, disparut dans la chute et revint une minute après avec un kumaru transpercé par son arme. Un surtout eut un succès terrifiant parce qu'il évoquait les esprits et s'entretenait avec eux. Il dévoilait aux familles éloignées des particularités de leur existence qu'elles croyaient être secrètes. Vers la fin du 2e jour, les épreuves s'achèvent. Mungoymak, le front penché, l'œil triste, pense. Aucun parmi tous ces chefs n'est digne du commandement suprême. Aucun ne porte en son esprit une grande pensée de génie. Tous braves guerriers, mais incapables de concevoir un plan et d'avoir un but pour rendre forte et grande la nation des Oyampi. La race noble des Umak va s'éteindre. Comme il faisait ses amères réflexions, un Indien inconnu s'avance le dernier au devant du tribunal. Sa tête, ornée d'une couronne de plumes qui maintient des longs cheveux noirs, est surmontée de la plume d'aigle que les descendants ou parents des grands caciques ont seuls le droit de porter. Son corps, admirablement proportionné, ne porte aucun tatouage et ses armes se composent d'un sabre recourbé dans une gaine de cuir, d'une arquebuse et d'une cartouchière comme en portent les blancs. La couleur de sa peau est presque aussi claire que celle des visages pâles. Fils du soleil, je suis le petit-fils de Paron Capac, qui s'étant révolté contre ton autorité, fut vaincu par toi et exilé loin de sa nation. Fuyant ta juste colère, il avait établi son visage dans une île du Bas-Oyapok. À ses premiers mots, le vénéré cacique se soulève sur son trône pour mieux voir et mieux entendre celui qui lui parle. Nous vivions heureux. Un jour les Blancs sont venus et nous ont menés en esclavage. Paron Capac est mort de faim et de misère. J'ai vu mon père, tout sanglant, expirer sous le fouet de ses maîtres. J'avais 10 ans. J'ai juré de venger ma famille. J'ai traversé la grande rivière bleue sur les grands canaux des Blancs. J'ai vu leur grand village de pierre où leur misérable multitude se presse, se bouscule, se dispute et se bat pour posséder de l'or. Je connais tous leurs secrets, leurs prétendues sciences, leurs mensonges et leurs lâchetés. Quand ils ont un ennemi, ils l'accueillent en souriant, lui tendent la main et le frappent ensuite par derrière à l'improviste. Les lois punissent le vol et l'assassinat, mais ceux qui volent suivant certaines conventions établies et ceux qui tuent les malheureux lentement en les torturant et en les primant de nourriture et d'habitation sont récompensés et honorés. L'or est leur dieu, il leur faut de l'or. Avec de l'or, tout est permis, et celui qui n'en a pas meurt de faim dans les grands villages de l'Europe, et personne ne lui vient en aide, personne ne lui offre la nourriture et le couvert. » Le vieux Umak s'est levé tout à fait, et les yeux perdus vers l'Occident, son bras se lève pour un geste de malédiction. Les Blancs ont appris qu'il y avait de l'or chez les Oyampis. Ils sont venus dans l'Oyapok, ils m'ont dit « Tu vas nous servir de guide. » Je suis venu avec eux. Akatopeul se lève à son tour. « Si tu as fait cela, tu mérites la mort !» Et bandant son arc armé d'une flèche, les yeux ardents de Akatopeul consulte le cacique. Impassible, le jeune Capac continue. « Mais j'ai trouvé des frères échappés au pillage d'autrefois. Ils m'ont aidé, et les Blancs qui remontaient le fleuve ne retourneront jamais plus dans leur pays. « Où sont-ils ?» dit Akatopeul. « Ils sont morts. La preuve, voilà !» Et se retournant à demi, du pagaia profond qu'un de ses hommes a apporté, il tire par l'oreille une tête sanglante, puis une deuxième, une troisième, une quatrième tête de visage pâle, qu'il envoie rouler au pied du cacique. Dans la foule devenue houleuse, les poitrines sont haletantes, et tous les yeux avides, étincelants, veulent voir les sanglants trophées. Les chefs, debout, auprès de Mungo Umak, se pressent pour regarder les têtes abhorrées. « Je suis vengé. » continue le jeune homme, et la nation des Oyampis n'a plus rien à craindre, car aucun des esclaves nègres qui accompagnaient ceux-là n'est retourné emporter la nouvelle là-bas, à la côte. Malheureusement, d'autres viendront plus tard, attirés par la vue de quelques pépites d'or que quelques-uns d'entre vous portent et montrent imprudemment comme amulettes et comme joyaux. Et alors, c'en est fait de la nation des Oyampis. Que mes frères et leurs sœurs rejettent avec mépris leur parure d'or, et les enfuissent au plus profond de la terre, loin de tout œil humain. Montrant le trône d'or, sur la montagne inaccessible et sacrée, où les anciens vont parler aux mânes des ancêtres, qu'on emporte ce trône d'or sur lequel s'assirent tant de nobles fils du soleil, et que jamais plus ne le voient les enfants de notre nation. Les Blancs ont de l'eau de feu pour délier les langues des Indiens, et par ce moyen, ils pourraient connaître son existence. J'ai dit, le grand cacique s'avance, les yeux au ciel, les bras en avant, et se recueille un instant. Petit-fils de Paron Capac, en ce moment solennel, le grand esprit dicte mes paroles. Écoute, écoutez tous. L'or qui fit autrefois notre gloire fut la cause de tous nos malheurs. C'est l'or qui attira Pizarre et ses démons vêtus de fer. L'or seul fut notre ruine. Et quand nous eûmes jeté tout ce que nous possédions de ce vil métal dans le grand lac sacré qui n'a pas de fond, nous partîmes plus de 100 000 sur le grand fleuve qui coule vers le soleil levant. J'ai vu la grande fuite qui dura 10 douzaines de lunes. J'ai vu les grands radeaux où l'on mourait de faim et de désespoir. J'ai vu les guerres terribles aux peuplades riveraines qui ne refusaient des territoires pour camper et faire de nouvelles possessions. J'ai vu la faim accroupie sur le seuil des cases construites à la hâte, les enfants amaigris mordant les seins taris de leur mère mourante. J'ai vu les vieillards perclus, abandonnés sur les bancs de sable, les blessés achevés par leurs propres frères pour ne pas tomber aux mains des ennemis. J'ai vu des radeaux et des canaux brisés dans l'écume des rapides, et des bras désespérément chargés de malédictions menacer le ciel et la terre. J'ai vu tout cela parce que la cupidité des Blancs a jamais assouvi, a toujours faim et soif d'or. Aux rives fertiles du Parou et du Yari, et dans les montagnes centrales du Tumucumac, au pays des mille rivières et des cascades étincelantes, où la forêt vierge est si douce et si bonne pour les Indiens proscrits, nous vivions heureux depuis longtemps comme les autres. Je croyais à la fin de nos épreuves. Voilà que cela recommence. Nos retraites ne sont pas assez obscures. Nos montagnes assez inaccessibles pour nous cacher à la race maudite qui nous poursuit et nous traque comme on fait dindin au fond des bois. Alors malheur à la race maudite, malheur aux faces pâles. Car le grand esprit nous a envoyé le chef que nous attendions, celui qui doit nous venger. Petit-fils de parents Capac, viens auprès de moi que je te présente à mon peuple. Le jeune homme monte les degrés, et Mungo Humac, enlevant un à un ses insignes, l'en revêt en disant « Tu t'appelleras désormais Humac. Voici le cercle d'or. Voici le manteau de loutre. Voici la moitié de cette médaille qui nous fut donnée par moitié à ton grand-père et à moi, par l'Inca, pour nous rappeler par ce symbole que nous devions être unis comme chefs d'une même nation. » « Voici l'autre moitié, » dit le jeune homme, triomphant, montrant sa main gauche. Le vieux cacique rapproche les deux côtés de la médaille qui s'adaptent parfaitement l'une à l'autre. « Je l'avais bien dit, le grand esprit ne nous abandonne pas, puisqu'il nous envoie celui qui, avec moi, est le véritable chef des Oyampis. « Voyez, » dit-il, montrant la médaille aux membres du grand conseil, qui tous tiennent à vérifier les deux emblèmes. « Maintenant, » continue le vieillard, « viens t'asseoir sur le trône de nos pères, et tous vont venir te jurer obéissance jusqu'à la mort, comme ils le firent à moi-même. » Et le nouveau cacique se laisse conduire par l'ancien qui l'installe sur le trône. Tout le monde est dans la joie. Tous veulent voir de plus près. Mais par un signe qui arrête ce tumulte d'un instant, le vieux cacique dit « Maintenant, ma tâche est faite sur la montagne désolée et nue qui domine les forêts et les abîmes, sur la montagne sacrée, je pars. Je vais m'entretenir avec les esprits et me prépare avec eux à faire mon dernier voyage vers les grands territoires de chasse et de pêche où les hommes sont heureux pour l'éternité. » Et le vieux cacique descend lentement les marches de bois vers la foule qui s'éclate avec respect devant ses pas encore fermes. Que nul à jamais ne vienne en vain troubler mon dernier sommeil. Telles furent les dernières paroles du grand cacique qui disparut seul dans la forêt pour ne jamais plus revenir. Aujourd'hui encore, depuis plus de 100 ans, quand les canaux sur l'Oyapok passent en vue de la montagne Pelée, gigantesque monolithe qui dresse sa tête de granit inaccessible à plus de 600 pieds au-dessus des forêts, les canotiers s'arrêtent sur les rochers du fleuve et, tournés vers la montagne sacrée, ils se recueillent et répètent tout bas des paroles mystérieuses comme une prière, dont jamais blancs ou étrangers à la tribu ne connaîtront le sens et la traduction. Ainsi s'achève « La sagesse du cacique » par Georges Brousseau.